Suisse. Il fait la bouchelle, il fait mouchelle, qui remplace même le tic-tac. Il fait la bouchelle, il fait mouchelle, qui remplace même le tic-tac. Le dentifrice. Le dentifrice. Il fait la bouchelle, il fait mouchelle, qui remplace même le tic-tac. Le dentifrice. Le tic-tac. Qui remplace même le tic-tac. Il fait la bouche, le tic-tac. Qui remplace même le tic-tac.